messieurs, dames. Je vais prendre 33 de temps et 33 de valeur. Avec un pain comme ça un peu cuit, par exemple celui-là, voilà, et puis une baguette aux céréales. Hein. Des choses comme ça là. Ouais, c'est des choses comme ça là, voilà. Par exemple. Ou celle-là, elle est un peu moins, plutôt celle-là. Mesdames.